Unité 4, phonétique. Exercice C. Ils se lèvent. Ils prennent. Elles habitent. Ils sortent. Ils arrivent. Elles regardent. Ils naviguent.